Non, c'est pas la joie, personne répond à la paix. Non, j'ai pas le choix, travail, je la fais seule ma peine. Moi dans mon ghetto, y'a du shit, de la beuh, mais y'a plus de poteaux. J'fais seul mes topos, non, m'a pas aidé. Comme j'étais sur le déco, maintenant veulent m'inviter. Eh ouais, mon négro, c'est la qualité. J'dis hasta luego, y'a pas de gratuité. Moi j'ai grandi ici, très loin de mon pays, mais j'vais tout niquer. Là c'est trop souvent, j'repense à ma peine. T'as perdu la foi, tu goûtes à la mer. Là c'est trop souvent, perdu que j'repense à ma peine. T'as perdu la foi, tendu, tu goûtes à la mer. Eh ouais, mon poteau, on s'est oublié. Tu parles trop sur moi, tu fais que m'allumer. Eh ouais gros mytho, quand t'es mal luné, tu te lâches trop sur nous, mais ça va pas changer. On veut la vie de rêve sur tous ces temps-ci, marre des salopes de tous ces sens-ci. Fais la rosta, t'es pas invincible, ça va te fumer comme si qu'on consume. On veut la vie de rêve sur tous ces temps-ci, marre des salopes de tous ces sens-ci. Fais la rosta, t'es pas invincible, ça va te fumer comme si qu'on consume. Parano, je suis devenu à cause de ces gens. Plus d'amour, plus d'amis à cause des légendes. Parano, je suis devenu à cause de ces gens. Plus d'amour, plus d'amis à cause des légendes. À cause de rien, on se calcule même pas. J'oublie rien du passé, mais non, j'en parle pas. Je sais où ces gens battent qui m'aiment trop. Quand j'ai besoin de répondre même pas. Et à cause de rien, on se calcule même pas. J'oublie rien du passé, mais non, j'en parle pas. Ils sont où ces gens, banales qui m'aiment trop. Moi j'ai besoin de répondre même pas.